Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patatata, mon pote. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle. Pendant une heure, comme chaque semaine, vous allez découvrir des talents de la scène indépendante internationale et dans tous les styles. L'émission du jour commence avec un garçon qui s'appelle Alex Roussio. Il fait partie des nouvelles révélations de la scène française. Il est auteur, compositeur, interprète. Il a tout juste 25 ans. Vous l'avez déjà entendu dans La Courte Échelle. Il nous présente aujourd'hui Au-delà, c'est son dernier titre en date, Alex Roussio. Entends-tu le son de l'amour? Entends-tu la voix qui court? Entends-tu le son de l'amour? Encore un soir d'insomnie, pris dans le courant, toutes ces barrières dans ma tête. Venir d'ailleurs ou d'ici, si peu différents comme des enfants dans la tempête. Au-delà des murs, tous ces visages, ces familiers dans le noir, comme des miroirs. Tracer des lignes à la craie et couvrir de sang nos mains jusque dans la terre. À savoir vraiment qui on est. Naître au bon moment ou du côté brûlant de la frontière. C'est également peut-être dans La Courte Échelle que vous avez découvert le slammer Aimé Nouma. Il nous présente sa nouveauté, Je veux tout de toi. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. J'aime, j'aime, oui, j'aime tout de toi. J'aime, j'aime, oui, j'aime tout de toi. Du roux de la boucle de ton cheveu jusqu'au bout de tes doux doigts. Je veux, oui, je veux, je veux, je veux, je veux. Baiser, biser, goûter encore et encore tes lèvres pulpeuses. L'embrasser encore, toujours pour embraser encore ton corps épanoui aux formes si somptueuses. Où affleure la beauté, la bonté de ton âme généreuse. Je veux, oui je veux, je veux, je veux chaque jour pétrir ta peau, tes courbes voluptueuses, faire saillir la pointe de tes seins, jaillir l'eau de la fontaine de ton bassin, m'enivrer sans cesse de leurs arômes, de leurs parfums, avant de m'y plonger comme dans un bain de jouvence, pour réjouir, nous réjouir sans le moindre silence. Talk is so sweet, j'ai envie de donner suite, et tu es trop canaille. How can I be sure tu m'aimeras toujours? Écoute, écoute, écoute, écoute. Après qu'on aura fait l'amour, j'étais dans la peau, dans le sang, me fait tourner les sangs. Est-ce que ce sentiment ment? How can I be sure? How can I be sure? Tu le sais, tu le sens. Dans la peau, dans le sang, tu me fais tourner les seins. Est-ce que ce sentiment te ment? I love you. Me too, me too. I love you. Me too. I love you. Me too, me too. Prends tout. I love you. Prends tout. Me too. Il y a quelques mois, vous découvriez, notamment dans La Courte Échelle, Amour Virtuel, un titre interprété par Chris et Bébé Ange. Cette chanson vient d'être remixée par un très grand DJ américain dont nous ne pouvons pas vous révéler l'identité puisqu'il est engagé par ailleurs. Mais nous ne manquerons pas de le faire quand ce sera possible. La Courte Échelle. Tu le sais, tu m'inspires. regard fauve au désir de te dire que je me sauve au-delà dans tes bras. Ma bouche pose un sourire chaque fois sur ta peau de velours. Elle me donne la chaleur de ton cœur et ton parfum de délice. Pour marcher à tes côtés est un premier opus de Pierre Bédard en tant qu'auteur-compositeur-interprète. Un EP de 5 chansons, toutes différentes les unes des autres, qui nous emmène avec lui dans son univers. Nous écoutons dans la courte échelle du jour le titre phare de cette EP, Pour marcher à tes côtés. La courte échelle. Se déroule à mesure qu'il est écrit, l'histoire qui en découle se continue aujourd'hui comme une fourche qui mène à deux endroits bien distincts. Ce sont tes choix qui t'amènent à d'autres croisées des chemins. Je suis devenu ce que je suis juste pour te rencontrer. Les années m'ont amené jusqu'ici pour marcher à tes côtés. Marcher à tes côtés, c'est une règle concise, complètement aléatoire. C'est une séquence précise, comme une suite de hasard. C'est une porte qui s'ouvre vers une scène dans le noir. Et soudain je vous découvre, et vous me découvrez ce soir. Je suis devenu ce que je suis juste pour te rencontrer. Les années marcher à tes côtés, comme un film qui se déroule dans le grand décor du destin. L'histoire qui en découle se continuera demain. Oui, mais moi je suis devenu ce que je suis juste pour te rencontrer. Oh, mais je suis devenu ce que je suis juste pour te rencontrer. Les années m'ont amené jusqu'ici pour marcher à tes côtés. Oh, pour marcher à tes côtés. La courte échelle. Guitare. guitariste, auteur et interprète, adepte des mots et des sens, Donas promène son folk rock textuel dans les cafés-concerts du Grand Ouest et dans les autres salles de l'Hexagone. Le voici avec Vilaine. Tu passes ton temps à te graler près de la petite rivière. Un don qui t'envoie frayer vers bien d'autres chairs. Tu marmonnes à tout vent, Garzal et toi ne font plus la paire. Pour deux, trois marins d'eau douce en coquette sur une belle sauvageonne. Vilaine, tes eaux troubles vers Gendel. Tes fossés se mélangent, ton lit devient rebelle. Thor te salue du côté de la voie romaine. Ainsi tu resteras toujours celle qu'on aime avoir connue. Ton phénix et les celtes applaudiront. Alinéa, c'est la collaboration d'un groupe d'artistes fondé et dirigé par deux frères. Il y a tout d'abord Thierry Cividino, qui est auteur, compositeur, interprète et guitariste chanteur, et Nico Cividino, qui est à la batterie et aux percussions. Le duo a recruté les artistes nécessaires aux besoins de leur projet en cours. Madison, leur premier album, est sorti en octobre 2020 avec 11 titres originaux, et voici le titre phare de cet album, Madison. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Sylvain Padra œuvre depuis de longues années dans l'événementiel gospel soul et afro-caribéen, notamment avec des artistes et des groupes prestigieux ou même avec de jeunes talents. En février 2021, il a décidé alors de sauter le pas en se consacrant à la réalisation de son projet musical intitulé « Émotion », décliné en plusieurs singles. En voici un extrait de cet album avec « Funk Nous Ensemble ». La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Faut que l'on s'en fout à nos gommes entre nous. Faut nous sembler à l'entouillon la famille. Les plus grands par exemple les petits. C'est pourtant pour l'héritage mes amis. Petit garçon, arrêtez la violence. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Voilà bientôt 2 ans qu'entouré d'une équipe de choc, de musiciens et d'amis, Laurent Coulondre met toute son énergie et tout son cœur à la réalisation de Meva Festa, l'album de ses rêves. En voici un extrait, El Johnito. Thank you. L'album de Cathy Etting s'appelle Moving. Il est lui aussi sur toutes les plateformes de téléchargement et également dans les bacs. Nous allons ensemble, si vous le voulez bien, en écouter un extrait, Sugar. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Oh sugar, oh my darling, I can't wait no more. Oh sugar, honey, hey, you know, you deserve me the truth. Baby, where will you? The sign of the thrill. Oh honey, I've gone away from you. You moved on and on. See the tidy, they did want you. Do you think they were right? So I'd like to say, feeling it again, whatever you say, they will judge us anyway. Weakness has a name, it's probably me. Oh, so I'd like to say, feeling it up, whatever you say, whatever you say. Don't tell me that it could always be so much better, oh well, oh babe. Don't tell me that you can change, no. Don't tell me that I can change. Don't tell me that we're all through. Don't close the door, I'm with you. Née en Guyane, de parents haïtiens, Kelly Jean est une chanteuse aux multiples influences. Elle a grandi dans un environnement où se côtoient différents genres musicaux, ce qui lui permet de développer son propre univers musical. La voici avec Choco. La courte échelle. Je plane, tu me Gene Seely est un DJ producteur français originaire du sud-ouest de la France. Son univers spatial, un peu étrange, et ses sons futuristes ne laissent personne indifférent. Le voici avec Envic. Envic est Gene Seely et Focus. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Boy, give me focus, why you avoid it? I ain't come for shit, oh, you know. Why don't you notice, I'll give you motives. My life is loaded for you. Voici un autre DJ producteur, il s'appelle John Modena et il nous propose Like You. La Courte Échelle. Like you. Courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Hey Mix. Yes, ACM. Did I ever tell you? Eric Walker et ACM reviennent avec leur deuxième album, leur deuxième collaboration intitulée Trust Yourself, qui est sorti le 3 juin dernier, dont je vous propose un extrait, Proud of It. He took me way out into outer space, turned to me and said, you know there's something I really love about the human race. What did he love? He said, I really love the way they... The way they wiggle it, jiggle it, so proud of it. And let their bodies be. The way they wiggle it, jiggle it, so proud of it. And set the spirits free. Oh yeah. The way they wiggle it, jiggle it, so proud of it. And let their bodies be. Oh yeah. The way they wiggle it, jiggle it, so proud of it. And set the spirits free. Your body be. Ooh. You got to wiggle it, jiggle it, so proud of it, and set your spirits free. Set it free, set it free. Free, free, free. When you think you're all alone in your bedroom, looking at yourself in the mirror, listening to the sky band, he might be up. But if you feel the movement under your feet, then get on up. Yeah. Get on up now. Get on up and move with me. Wiggle it, jiggle it, so proud of it. And let your body stay. Who's looking? Not me. The way they wiggle it, jiggle it, so proud of it. And set your spirit. Ozan a fait de la musique depuis qu'il a 14 ans. Cet artiste écume la plupart des scènes ouvertes pour rapper et s'enferme chez lui pour composer pour cet album. Il n'a voulu faire que de l'instrumental. L'album a été créé pendant le confinement avec pour but d'ouvrir l'esprit au public. Ozan a des goûts musicaux très éclectiques. Il nous le prouve avec Fermi Paradox. La courte échelle. L'artiste canadien Thomas Arguin nous arrive avec une chanson pop entraînante qui nous donne le goût de bouger et de chanter, une production propulsée par la puissante voix de l'auteur-compositeur-interprète, un titre qui nous transportera agréablement jusqu'à l'été et plus encore si vous le voulez bien, le titre c'est Les Jambes en l'air. La courte échelle. C'est avec une nouveauté d'une chanteuse que vous connaissez bien, qui s'appelle Claire Ciel, que va se terminer cette émission. Elle nous propose Sunny Day. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de La Courte Échelle pour cette saison. Et j'espère que vous avez trouvé votre compte dans tous ces titres des artistes indépendants de la scène internationale. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. En attendant, eh bien, surtout, soyez heureux. Votre instant d'évasion. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.